313 Observation Definite and Indefinite Articles. Pour l'histoire, nous allons choisir une jeune fille française. D'accord. La jeune fille de l'histoire va être française. Article indéfini. Une jeune fille. Article défini. La jeune fille de l'histoire. Une jeune fille is an indefinite expression. We do not mean a specific young woman. La jeune fille de l'histoire is a definite expression. We mean a specific young woman, the one in the story.